bamisusu wa babilemba ba profitaka na bangona chalet na biso tango fandi wana ye pa côté sécurité parce que wana banje balobi ke personne n'est pas ici moto moka kuleka ati napre mususu moto mama sumu bilemba lemba bikoye koya ye pa côté wana il est sous l'ombre ya zalina se ya malili wana ya ilingi wana la grâce de Dieu est une réalité. Vous voyez ça? Une seule personne. Le prophète Élisée. Là-bas dans le village de Dothan. Toute la montagne, un seul serviteur. Pour un seul serviteur. Avez-vous déjà pensé à ça? Ce n'était pas des chars qui gardaient Israël. Qui gardaient le prophète Élisée. Son serviteur a vu. Il est resté bouche bée. Ah. Et puis il a dit, ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Donc les chars visibles, là, c'est les derrière. Le Dieu d'Élisée, c'est le Dieu de l'Esprit d'Élie. Et l'Esprit d'Élie prêche à son message. Je le crois, je le fais. Et il condamne le péché à son promis. Il encourage l'Esprit d'Élisée à la Bible. Nous sommes bienheureux de les connaître. Dieu combattra encore pour nous. Il est armé, il est équipé. L'éternel désarmé. Imaginez un peu ça. Toutes ces armées là sont à sa solde à son service. Voilà. Sous son commandement. S'il décide de se déplacer avec tous, personne ne bougera. Il n'y a pas un seul chef d'état-major ici sur terre qui peut se déplacer avec son armée. Vous savez que soit son grade et sa fonction. Au général d'armée, général de corps d'armée. Oui, il est général ici. Non, Sohana. Frère. Du coup. Donc ça, c'est dans les papiers. Ouais, les militaires sont dans les casernes. Bah, vous allez quand on parle de on utilise certains bataillons. Bah, ça, les gars, vous le bataillon carabinier. Oui, tout comme la maison 52. Oui, Tonga, oui, à tout on a sélectionné ce qui peut valer pour ceux qui bénéficient. Mais toutes les armées du pays ne se déplacent pas en même temps. Mais tu es capable de mobiliser toutes ces armées. Il est dit que ces chars se comptent par 20 000, par milliers. L'éternel est au milieu d'eux. Il peut les aligner et perdre de vue. Wana ezali penza kotala bango mosika bakoki mulai kuna. Sabaoth. L'éternel désarmé. Yahweh na bibele. Quel est ton Dieu de délivrance? Wana ezali kamera ya kokangola. Qu'est-ce que le marque pour te dire? Il est pour kokangola yo. Des anges d'intervention. Wana banje pour kokota kati na mosala. Ou des surnaturels. Capable d'aveugler les gens. Na kokia kobeta mosala. Capable de frapper les maladies. Kobeta mosala. Capable de frapper la mort. Kobeta kokota. Mais Dieu est armé comme il faut. Zamba zana matunga lo nenge pungi. Il peut déployer n'importe quoi. À tout moment, frère. Dieu est pour moi le Dieu de délivrance. Il sait comment délivrer de l'épreuve. Les hommes pieux. Ou persévérant dans la sainteté. Zala na motamu la ikati na bosanto. Hey le mal de tous les animaux. Il y a un Dieu là-haut pour toi. Vous aimez? Oui. Alors ils ont appris ça. Et là-bas, Kuna, la victoire est venue. Israël a gagné. Israël a gagné. Et les gens de Haï qui ont tenté de s'opposer. Mais non, mais ils ont été annexés. Ils ont même fait la paix avec Israël. Donc le pouvoir est au maître d'Israël maintenant. Le régime politique a changé parce que Josué le commandant a pris le pouvoir dans le pays d'Aï. Il est devenu comme le roi d'Aï à la place du premier roi qui était là. Alors le roi de Gabaon et le roi de Jérusalem qui était aussi devenu l'important. Nous sommes foutus. Les gens viennent parce que nous avons fait l'eau. Nous ne sommes pas ceux qui vont s'arrêter à Haïti. Nous ne sommes pas ceux qui vont s'arrêter à Haïti. Nous nous renseignons, nos services. Nous sommes un peuple qui écrase tout ce qui est son passé. Nous sommes un peuple qui écrase tout ce qui est son passé. Et la mort ne les a pas éliminés. Mais quels sont les gens des gens? Quels sont les gens des petits pour que nous soyons des gens? Ils ont un certain Dieu qu'on appelle Yahweh. Ils savent que c'est un Dieu qui n'est pas connu. Tous nos maîtres à nous là. Na ba kolo na biso no so. Tous les chefs féticheurs. Wana ba kontina fe wa kisa. Na mulele ya wese ki ne kolo. Na mulele ya wazali nani ba evi eti. Pare ki e la ba. Jali kumuna na kisa la mwe. Serviteur de Yahweh. Ba zali ba sali ya Yahweh. Alors on parle demander au grand marabout. Wana na marabout nene. Est-ce que tu peux essayer de invoquer Yahweh si pour me ka kobeli la Yahweh. Yahweh c'est quoi? Abi Yahweh zali nini? Na evi eti. Tu connais aucun code? Oui, bien, vous voulez mon côté. Vous voulez mon côté, vous à éviter. Mais que faire? Tout ça, la nini. Nous allons infiltrer Israël. Oui, tout le côté, là, Israël, la cacha. Chaque fois que les espions entraient en Israël, l'intelligence supérieure de Dieu était là. Mais elle est collée ensemble, mais elle a on les a arrêtés. On est pour Kanga Bango. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des sagesses. Oui, c'est un amour. Ni conseil. Ni intelligence. Qui puisse s'opposer à l'Éternel. Dieu est au-dessus de tout. Nous ne craignez aucun complot. Aucun programme maléfique. Ayez foi dans le Dieu vivant. Le Dieu de cette Bible vit parmi nous. Alors, Bongo. Ils ont dit, Bongo, si nous osons compter chacun pour soi, ce qui est dit, roi de Jérusalem. Roi de Jérusalem. Roi de Lachish. Roi de Lachish. Roi de Hébron. Pena Ebelen. La Mouka na Pongi. Nos nations, nos peuples sont en danger. Il y a un peuple terrible qui s'avance. On apprend qu'ils ne sont pas trop nombreux. Mais ils ont une puissance qui surpasse le peuple. A commencé par le peuple d'Égypte. Vous connaissez que l'Égyptien, le pharaon, est un grand empereur. Que tous nous craignons que nous avions servi dans l'État. Mais qui déjà ont vaincu les pharaons? Mais nous sommes qui? Attention avec ces gens-là. Ne les sous-estimez pas. Maman, on ne va pas faire le plan. Allez, militaire, c'est le réunion. Allez, on connaissait les réunions. Cinq rois d'Amoréens. Oh, mes chers amis. C'est le texte de Josué, dit sinon. Cinq rois d'Amoréens. Le roi de Jérusalem. Jérusalem et Amola. Le roi d'Hébron. Le roi de Jarmouth. Le roi de Lachish, le roi de Glon, tout ça. Bango Baswana, Bongo Mikonzimitano na Bamola, Bakondina Yerusalem, Pena Elemute, Bakondina Lachisa, Pena Kondina Ebelani. Se réunir ainsi et monter avec toutes les armées. Bayangani Saki, Basodana Bango, Pe Babutaki, Nabasodana Bango Yonso. Ce n'était pas si nombreux que ça. Et ils veulent camper près de Gabaron et l'attaquer. C'était quoi? Une grande ville plus grande que Aï. Oh! Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs. Monte vers nous en hâte. Délivre-nous. Donne-nous du secours. Car tous les rois des Amoriens qui habitaient la montagne se sont réunis contre nous. Batona jibona batinde la kiyoso epai na molako na jilegale eti. Lembisa loboko na yo na tina na baumu na yote. Buta epai na biso na kipe bikisa biso pe sunga biso. Pete mikondi yoso na bamola baolo bafandi na mokili na ngomba. Bayangani na etumba epai na biso. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. Bongo Yosua alongwaki na Gilgale pe abutaki ye mpe na bato na etumba yonso esika moko na ye. L'Éternel dit à Josué, ne le crains point, amen, car je le livre entre tes mains. Amen. Et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Amen. Ça s'appelle quoi ça? Une révélation! Yahweh alobaki ya Yosua ete, banga bango te, pwete, ngai na pesi, bango, na maboko na yo moto moko na bango akotelemela liboso na yo te. Hein? Ça s'appelle une révélation, non? Je vais lire un peu frère Branham. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ. On fait la parenthèse. Le 25 novembre 1960. Les paragraphes 160. Olongo ya mokama tukumotoba. Et la révélation, c'est tout ce qui compte. La révélation de la parole. Qu'est-ce qu'une révélation? Jésus a dit, sur ce roc je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours des morts ne prévaudront pas contre elle. Une révélation, c'est la foi. Parce que la foi vous a été révélée. Appliquons ça à Josué. A-t-il eu une révélation? Cela lui donnait-il la foi? Et une ferme assurance? Pour marcher avec assurance? Ouais, je crois ça. Dieu devait parler. Et cela donne le feu vert pour ne plus rien craindre, pour affronter n'importe quoi. Ce que te dit la parole, tiens ça pour révélation. Ce que Dieu te permet de connaître, agis par la foi en cela et tu vaincras comme les saints de l'Occident. Verset 8, Josué 10, verset 8. L'Éternel dit à Josué, c'est une révélation, vous savez. Ne les crains point. Car je les livre entre tes mains. Et aucun Dieu ne tiendra devant toi. Le même Dieu ne te dit-il pas ce soir, aucune dénomination, aucun complot, aucun projet maléfique? Le même Dieu ne te dit-il pas la même chose? Toi qui entends la prédication de moi, ne cède pas à la peur, à l'inquiétude, au souci, et crois Dieu. Amen. Sur parole. Amen. Dieu combattra de nouveaux personnels. Ne crains pas ce qui vient. Même si ça a la prétention de t'écraser. Mais Dieu sait comment délivrer de l'épreuve. Les hommes pires. Le même Dieu fera les mêmes choses. Oui. Verset 9. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Yoswa, bongo Yoswa abimelaki bango poisa, et filaki ye kotambola butu mubimba, longwa na Gilgal. L'Éternel le mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Bethron. Il les battit jusqu'à Zeka et à Makeda. Yahweh, abulumenitaki bango liboso na Israeli, pe abumaki bango na kufa monene epai na Jibona, pe abengana ki bango na nzela na kubuta epai na Bete Orono, pe abeta ki bango kino ajika pe Makeda. En langage militaire, on appelle ça repousser l'ennemi jusque dans ses derniers retranchements. L'ennemi qui était venu attaquer, ils avaient l'avantage d'avoir conçu leur plan de guerre avant les autres, pendant qu'Israël, Josué n'avait aucune idée. Ils étaient tranquilles là-bas, Gilgal. On est venu seulement informer Josué. Pendant ce temps, les stratèges des cinq rois d'Amoréens, les rois de Jérusalem, les rois de Bron, les rois de Lachis, les rois de Glo, tous ces gens, ils avaient déjà tout étudié et planifié. Mais en face de l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil judiciaire. Je ne sais pas les techniques pour les la bataille, mais la pénitence appartient à l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth, on l'attaque par surprise, ou par stratégie planifiée. Dieu sait comment se tirer d'affaire. Il a de quoi marquer la rébellion. Vous pouvez aller à son mot. Que tous les êtres les craignent. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Mais ils avaient l'avance, non? Bango va tenir les bossos. Eh, mais les gens du monde disent même que les bossos ont commencé. Baba n'a qu'il y a bossoté. Bango m'y va pour moi, qu'il va attaquer. Mais c'est qu'un position de force. Mais t'as la tango répliquez. Quel est le mandat? Wana ko pandra nini wewe? Sisi ampe de fuir là-bas comme les gens. C'est comme les gars qui là. Et Josué qui ne s'était pas préparé. Il a salamé toutes les troupes, les hommes, les voyants. Allez, tout le monde va tomber. Attaquez, allez, pa. Tout le monde a fuit là-bas. Bah, tu penses qu'on va kimi? Et d'aller fuit. N'a pas kima kana bango? L'armée du ciel. La milice du ciel pour combattre aux côtés d'Israël. Voilà encore ce qui complique les choses. Non seulement les pays des Juifs, après les négociations, les choses. Mais le ciel est venu aussi en appui. La milice du ciel est intervenue sans demander les règlements militaires. Les Hébronites. Des habitants de Jérusalem, ah ouais, Jérusalem eh. Les Jébousiens. Bah oui, bah bien, bah Jébousiens. Eh? On n'est pas allé demander votre règlement de quoi pour se faire une guerre classique. Oui, c'est tout ça, et tout le monde est venu à Kubungisa. La milice a survenu, est survenu. Dieu a déclenché une pluie de grêle. C'est-à-dire, les nuages que vous voyez au-dessus là. Dieu est allé les rassembler vers la mort. Il a commencé à couper de gros morceaux. Donc, L'autre encore, boum! Le sous-titrage est fait, boum! Le pied, boum! Ma banga mienne! Ouais, non, que Dieu envoie des mouvements! Dans tous les cas là-bas! Ici, Kabin, c'est la mulatto! Les gens sont mérés! Ah, tu vas aller au cima! Yo, bunda na Zambé, yo, nan! Où qu'on maîtrise Zambé? C'est lui qui maîtrise l'univers! Y'a d'aller au cima, mulatto! Avec l'âme, il faut la mouler. Et toi, tu vas le faire, la vie. Oh non, c'est le soir. Vous voyez ce que Dieu a fait? Et maintenant, la Bible dit, ceux qui tombèrent sous la pluie de grêle, ils sont plus nombreux que tous ceux que les soldats d'Israël ont fait. Ils sont plus nombreux que les soldats d'Israël ont fait. Tu es devenu croyant pour le combat. Le bon combat de la foi. Tu m'as malade. Au-delà de tes limites. Au-delà de tes capacités. Le ciel est à tes côtés. Le ciel sera ton appui. Le ciel interviendra. Le ciel est ce que tu ne fais pas. Et les dégâts que lui va occasionner. Il passera même les dégâts que toi tu fais. Parce que quand toi tu vas constater. Tu as expérimenté. Tu as expérimenté. Atangu moko. Mokolo kama mawa. Omoni mutona sale mina na bomiyete. Atangu nguna me. Yapuile baba. Ozoika bati sambo sote mukongo. Apo anyodo de mukongo. Setene ne miye ne miye setene ne miye. Nguna chike bubile munguna. Nukusala motema boboto. Motema bomoto. Me lo la tango zo tina mabanga. Ezo ki pete na zanani. Gulo mwelong la. Des glaçons qui tombent fraîchement du ciel. Si Dieu en envoie seulement 5 sur la sortie ici, il n'y aura encore 5 personnes ici. Na bandite, batu, entrez dans la table pour prier. Je sais que vous allez prier. Au lieu quand il est tout est à l'heure pour la chère. Et tout le il y a moins de... Hé, c'est quoi ça? Les temps que tu comprennes le premier, le deuxième aussi tombe, un troisième. Soyez sincères, n'allez-vous pas fuir? Vous allez vous tenir pour qui mater? Soyez sincères, n'allez-vous pas fuir la salle? Pour qui mater? Sinon dites-moi qui va rester pour que la pierre tombe sur sa tête? Nani akuti kala pote libanga kwa na moto na yeye. Tombola kama sabu nuna na kuzela, na kufanya na ngiizi, na kutoa lamba la moko. Ah, terrible. Comment? Toi alors combat aussi. Amen. Bundaka. Tu es fait combattant pour combattre. Mais sache qu'au-delà de tes limites, et de tes capacités, et de tes sentiments, hein? Il y a un Dieu là-bas qui tranche dans les combats, qui tient à voir les résultats. Il sait que si tu te laisses seulement toi, tu vas faire des compromis des fois. Mais il doit intervenir par rapport aux résultats que lui dit. Son bras lui viendra en secours. Tu as dit amen. Il est dit au verset 11, comme il fuyait devant Israël, et qu'il s'était à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et il périt. Amen. Et j'allais qui bango pour qui m'a libosso na Israël, et j'allais qui bango pour qui t'anzela na kubuta epaina Beth-Horon. Yahweh avoit-il qui bango ma banga minene longwa na likolo. Kino koma ki bango na Azeka. Est-ce que Zambe pe azaka na bakuluna na lola kuna? Me kuluna kome malibango kuta na lola kuna kete vina sawo. Kabambi ya mabanga ya mineni mineni wana. Oyo tango e beti yo kaka liwa ya sir. Uko rate, eko rate yote. Suki e beti maboko keini panzi makolo. Suki ni yetu. Suki e fasoli li mumutongo mitsopo no silmanda. Liwa ya sir. Dieu qui envoie des pierres à partir là-bas. Zambe kutinda kama banga utakuna. Eh, to banga zambe. Amen. Et il périt. Et ceux qui moururent par les pierres de grès furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Te bakufaki baolo bakufaki na matandala balekaki baolo mibali na Israël babomaki bango na mopanga. Comme si ça ne suffisait pas. Vous voyez, quand vous avez un bon appel, vous avez un bon appel, vous avez un bon appel, vous avez un bon appel, vous avez un bon. Non, il faut une signature finale. Que tous ces rois-là, leur histoire soit enterrée. Qui ne reviennent plus jamais. Alors, l'Éternel, Josué a parlé à l'Éternel. Dis un mot de prière. Seigneur, donne-nous cette victoire. Écrasante que nous puissions. Non, la loi de l'Éternel. L'ange du Seigneur ira devant toi. Il se conduira chez les Amoréens, chez les Jébusiens, chez les Phérésiens, chez les Éthiens, et tu, il les exterminera. Y avait-il les Amoréens? La promesse qui était faite depuis le temps de Moïse. Voilà le temps de l'accomplissement. Dans Josué, dans Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, verset 20 à 23. Un des moments historiques de l'accomplissement. L'ange de l'Éternel, mon ange ira devant toi. Il te conduira chez les Amoréens, chez les Phérésiens, chez les Hittites, chez les Jébusiens, auprès des Cananéens, et il les exterminera. Voilà cinq rois des Amoréens, le roi des Jébusiens, qu'on a appelé le roi de Jérusalem, le roi de Lachish, le roi de Bron, le roi de Glon, tous réunis en confédération, ils viennent faire la guerre. Une guerre sauvage, une guerre de prudence, parce qu'on ne combat pas contre Dieu. Et Dieu a voulu archiver l'histoire. Et vous, les générations du temps de la fin, sachez que Dieu n'oublie aucune de ses promesses. Même si ça peut vous donner de folles impressions, que j'ai déjà démodé ce même temps, Dieu veille sur sa parole, et il l'accomplira complètement. Les Amoréens, exterminés. Mais je vous viens exterminer. Dieu est fidèle. Que quelqu'un d'autre se lève encore. Il va frapper. Montrer qu'il est Dieu suprême. Est-il pourtant le Dieu de délivrance? Quel est cet ennemi que lui ne sera pas battu? Quel est cette preuve qu'il ne sera pas dominé dans sa vie? Tout est sous son contrôle. Aie confiance dans son Dieu de délivrance. Il combattit encore pour son église. Il la fera ce chemin. Il vient un temps où il va dans notre voyez ça. Bon, comme Dieu est bon. Je suis pas parlé de cette semaine. Je suis et puis il s'adresse au soleil. Moi. Arrête-toi sur Gabaon. Et toi, Lina. Et arrête-toi sur Ajalon. Et moi, Lina, je l'ai kuna. Yango, Salema. La voix d'un homme parlant comme dans le vide. Parlant pamba, pas ici, mais aux créatures historiques de Dieu. Le soleil, le grand luminaire du jour. Président un ordre Dieu de plusieurs millénaires. Mais qui est-ce que toi, un homme pour cet ordre? La foi Unima peut monter des degrés. Ukubusa. La foi Unima peut amener des exploits. La foi Unima peut produire des prodiges. Ukubusa. La foi Unima peut arrêter la nature. Ukubusa. Mais il te faut Ukubusa seulement la révélation. Ukubusa. Parce que la foi, la révélation, c'est la foi. Ukubusa. La révélation, mais c'est la foi qui vous a été révélée. Ukubusa. Il faut Ukubusa que l'auteur de la parole traite avec toi. Même pour accomplir le troisième point, ça part de la même façon. Il faut que Dieu parle à ton cœur. Et dis ce qui doit se trouver. Et tu vas prononcer la parole. Et tu verras les réalisations. Et la Bible dit, l'Éternel s'irrite encore. Il se lèvera comme dans la vallée des Pharasiens. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabon. Mais il s'élèvera comme dans la montagne des Pérassim. Pérassim, on a déjà vu avec le bruit des pas dans les pérassim. Ça, c'est l'expérience de la vie. Gabon, c'est ici. Gabon, c'est ici. Voyez ce qui s'est passé. Dieu a pu envoyer de grosses pierres à Pagini. Il a des anges. Il a des séraphins. Il a des chérubins. Mais il décide de combattre les gens par des grosses pierres. Nous avons mais parfois, nous avons des sauvages. Hein? Mabanga. Bitumba ya mabanga, ma satité. Mabanga, kaka mabanga. Mais ils ont le colo, moi, on contrôle sur ces athées. Ougoye bate char ni ne fani kuna mutune na fani obe obo makaka ye comme ça ma bagaye ya soute tu ne vois personne mais et son no kaka koi yel ko koya bobe ou koi awa e koi kuna e koi e koi e koi c'est quoi ça nini wana l'Éternel en colère yawe taki na kanda le Dieu dit Israël en colère et il a promis de s'irriter encore la qui est soubou ko sirita à notre profit à nous. Quand le boycott viendra contre nous, Dieu va déclencher ça. La promesse d'Ésaïe 28. Il dit c'est faux. Il a dit final avant l'enlèvement. Dieu frappera les gens. Cette terre sera frappée. Croyez-vous? Il a promis de le faire. Mais vous croyant, qu'est-ce qui vous concerne plus? Notre bonheur n'est pas dans les malheurs qui frappent nous-mêmes. Non. Eh? Mais comme je l'ai évoqué mercredi, dans les sermons, écoutez-le. Le 13 mars 1960. Paragraphe 38. Il est ici, le placement d'un fils. On l'amène à un certain endroit. On tient une cérémonie devant les hommes. On les place dans sa position. C'est qu'il est dans le corps de Christ. Alors cette personne a l'autorité. Permettez-moi de dire ceci. Même si vous me prenez pour un fanatique à partir de ce soir, permettez-moi de dire ceci. Cette même chose dont je parle s'accomplira. Moi aussi je vous dis cette même chose dont je vous parle ce soir, s'accomplira. Il y aura une puissance qui entrera dans l'église. Et pour ça, on va dire qu'on il est en train d'y entrer maintenant. Ouvre tes yeux. Élargis ton entendement. Depuis le 13 mars 1960, il y aura une puissance qui entrera dans l'église. Il est en train d'y entrer maintenant. Le Saint-Esprit va tellement oindre les gens qu'ils prononceront la parole et elle se créera là même. Cette chose dont je vous parle et que je vous dis accomplira certainement. Il y aura une puissance qui entrera dans l'église. Il est en train d'y entrer maintenant. Le Saint-Esprit va tellement oindre Branham. Va tellement oindre les gens. Si tu es de ce nombre-là, de ces gens-là, sois heureux d'être l'un d'eux. Et ce qui est promis ici, s'accomplira certainement. Car Dieu ne parle jamais en bas. L'esprit de prophétie ne ment pas. L'esprit de Jésus-Christ et l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit va tellement ouvrir les gens. Ils prononceront la parole. Et elle, la parole, se créera là même. Nous n'avons pas vu de puissance comme celle qui entre dans l'église maintenant. Ça vous fortifie, non? Il y a une puissance qui viendra entrer. Mais il y a une puissance qui est déjà entrée d'entrée. Et comme il pénépénéria. Et si Banda qui est déjà kokota. Mais Nguya Moko et Koya et kokota dans cette église. C'est comme quand Jésus disait, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et il est déjà venu. Ce sont deux annonces différentes. Il y a une heure qui vient. Et l'heure qui vient, c'est l'heure qui vient. Il y a une heure qui est déjà venue. L'heure qui est déjà venue est une autre heure qui est déjà venue. Ce n'est pas la même heure. L'heure vient. Et elle est déjà venue. C'est deux heures différentes. Il y a une heure qui vient. Où les choses vont se faire. Mais il y a une heure qui est déjà venue. Où les choses se font déjà. Vous suivez? Une puissance entrera dans l'église. Quand c'est promis, ça viendra. Mais une puissance est en train d'entrer déjà dans l'église. Parce que qui opérait dans le ministère de William Branham. Au temps présent déjà. En train de faire déjà les choses. Les démonstrations. Pendant que William Branham était vivant. Il était sur son ministère de prophète. Êtes-vous là? Une puissance était déjà en train d'entrer dans l'église. En train de faire déjà les choses. Mais maintenant ce qui nous est annoncé arrivera. Ça arrivera après ça. Cette puissance dans laquelle le Saint-Esprit oindra tellement les gens. Quand Frère Branham était là, à travers lui seul que les grands miracles. Vous ne voyez pas un autre frère, un prédicateur, un pasteur. C'est pas à travers son ministère. Pour le reste de l'église, il y a un temps. Parce que l'église doit être d'abord enseignée. Il doit être d'abord enseignée correctement. Par les chefs et quatre hommes. On leur indique le chemin vers lequel Dieu les amène. Et viendra ensuite le temps où Dieu manifestera ses promesses. Pour ceux qui sont connectés à son programme, qui sont sous le ministère de la parole. Et c'est ce ministère de Ephésiens 4:11. Certains esprits déformateurs pour dire écoutez seulement les bandes de Paul. Oh mon ami, Oninga. Si vous écoutez les bandes, vous êtes limité au ministère de Frère Branham. Et après Frère Branham, le prophète a annoncé, et là je viens, et ce sont les Ephésiens qui amèneront l'église au pays de la promesse. Tu rejettes les Ephésiens, c'est clair que tu ne livreras pas ce qui est promis en relation avec les Ephésiens. Tu vas te borner au seul ministère de prophète. Si vous croyez c'est bien, mais les promesses qui amèneront l'enlèvement, tu les rateras tous. Tu n'en seras pas correctement si. Tu vas écouter les bandes comme quelqu'un qui écoute les bandes belles-mêlées avec l'ordre de Dieu vient à travers ce ministre. C'est ça le temps dans lequel nous vivons. Amen. Comme quelqu'un peut lire ici. Ah, il va juste entendre, oh non. La puissance qui doit venir. Rien ne va venir. Il est en train d'entrer déjà. Et il va conclure qu'elle est déjà entrée, c'est déjà fini. Or, ce n'est pas fini. Il s'agit de deux choses. Le ministère de Frère Branham, en accord avec l'Église, et aussi en accord avec Ephésiens 4:11, c'est une chose. Mais le ministère des Ephésiens 4:11, le quatrième ministère que Dieu a ordonné là, doit produire l'œuvre. Le Seigneur le vota, Moussala, et ça doit converger comme ça à la fin. Le Seigneur écoute en apune en pour que le déclassement de l'enlèvement est lié. Béni soit le Seigneur au Dieu Sida. Voyez ça? Et le temps que Dieu jusqu'à maintenant. Mais il dit, le Saint-Esprit va tellement rendre les gens. Il prononcera la parole et elle se créera la même. Nous n'avons pas vu de puissance comme celle qui entre dans l'église maintenant. Je sais que c'est un fait. Quitte à cette montagne. Votre poids de là. Ne doutez point en votre cœur. Vous croyez que ce que vous avez dit arrive. Vous le verrez s'accomplir. Vous voyez? Marc 11:23. C'est l'écriture qui est citée. L'écriture, l'église doit aussi expérimenter. Pas seulement Frère Branham, qui est membre de l'église. L'ensemble de l'église, le vainqueur, doivent vivre. Le placement de l'église dans la prison. Là où la plénitude de la puissance chrétienne est venue. Entre dans l'église. Ça vient, non? Ça vient, non? Ça vient. Alors les critiqueurs fermeront la bouche. Comme ça s'était déjà passé au temps de Frère Branham. L'histoire se répétera encore. Les critiqueurs qui disent, ah, mais depuis la Kenda, bino bozaka maloba, akaka parole, parole, mais toi manéro malungati. Bako kanga minoko. C'est déjà prévu. Ça sera un temps court. N'est-ce pas? Jésus est directement descendu de la montagne et est allé droit au calvaire. Remarquez, cela ne traînera pas longtemps. Mais cela aura lieu ici. Cette chose va être accomplie. L'église peut-elle regarder dans cette direction? Les gens de l'église seront rois. Les gens de l'église. À tel point qu'ils prononceront la parole. Et la parole se criera. N'est-ce pas le troisième point dont nous avons flashé le mercredi? Prononcer la parole, et elle se crée la même. Nous y arriverons. Dans peu de temps, Dieu le fera. Mais comme il avait dit, okay, j'ai amené la traduction de Suisse. Tournez le regard vers Jésus. Que je cherchais mercredi. Et je n'avais pas. Parce que l'inspiration est venue pendant que je voulais monter à la chaîne. Bon, je n'ai pas vu. Mais au moins, j'ai ma brochure. Parmi les brochures que j'ai reçues, 1994. Tournez les regards vers Jésus-Christ. J'ai plastifié la couverture. Voyez là, j'ai même signé à l'intérieur. Là, Dieu s'est souligné. Savoir conserver. Ça peut t'aider? 1994. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui n'étaient même pas encore nés. La brochure est encore en bon état. 1994. C'est parmi les signes que j'avais demandé à Dieu, c'est que je te serve. Alors, que la Suisse m'envoie les brochures. Toutes les brochures qu'ils ont publiées. Sont venues. Parmi ces brochures, il y a. Hein? Frère, tu lis quelle date ici? Là où j'ai souligné. Là. Le 28 septembre 1994. Ça vous arrange? Tu battes la ligne. Tu as une brochure, je suis là, je suis là, Suisse, tournez les regards vers Jésus. Je vais lire le paragraphe 29 d'abord. Maintenant, souvenez-vous qu'il n'y aura jamais d'imitation de cela. Car cela ne peut pas être. Le troisième pôle, hein? C'est ce qu'on a dit mercredi. Cela ne le peut pas. Il est maintenant venu à l'existence. Et j'ai été averti. Hein? N'est-ce pas ce que je vous disais mercredi? J'ai été averti. Ok. La traduction de la voix de Dieu disait, j'ai été prévenu. J'ai été averti que cela arriverait prochainement afin que ce troisième pôle puisse identifier sa présence parmi vous. Qui dit amen? On dirait que vos oreilles deviennent sourdes. Et pourtant, ce sont les promesses concernant les élèves. Donc, les gars, n'étaient pas avant l'enlèvement. Mais ça ne sera pas long. Ça ne durera pas trop longtemps. Un temps court. Vous voyez? Mais, le troisième pôle, il ne sera pas utilisé de manière importante avant que ce conseil ne renforce sa presse. Les autres rois des Amoréens, des Jébusiens, ils ont donné aussi une pression, non? Ne se sont-ils pas ligués? Les conseils écuméniques des églises ne sont pas aussi séligués. Ils amèneront la pression contre l'église épouse. Les croyants du message, nous serons boycottés. Les droits des banques et d'acheter, nous serons privés. Même de payer les billets d'avion. Le temps vient. Les temps viennent, je vous dis. Dieu combattra pour son église. Le Dieu d'Israël combattra pour son église. Et la parole se créera. Le Dieu d'Abraham, qui avait pourvu d'un bélier, même si tu n'auras pas les droits d'acheter, même les sacs de prostitution, les droits d'acheter de vendre, tu n'en auras pas. C'est quoi que vous voulez en dire? Même les billets d'avion, pas question. À taper pour la consala mobembo. Ticket pour entrer dans un bus, taxi, bus. On a coûté la motuka. Bon, bakoboya. Seulement parce que Dieu croit des messages. Oui, tous allez monter vers Sango. C'est quoi le motuka? C'est un message. Au dos, quand ils s'amagamogo, c'est un gabongo. Où est-ce qu'on va? Prépare-toi. Il y a des temps durs, plus durs qu'il y a. Pour l'ensemble du monde seulement, particulièrement pour l'église épouse. Sachez que Dieu combattra pour son église. Et le fruit du ministère apparaîtra. L'œuvre du ministère se manifestera. Le créateur s'identifiera par nous. Et nous prononcerons la parole créative. C'est clair. Et quand cela se fera, les Pentecôtistes et les autres peuvent presque imiter tout ce qui se fait. Mais lorsque le temps viendra, lorsque la pression se fera plus forte, alors ce que vous avez vu temporairement, vous le verrez manifesté dans la plénitude de sa puissance. Amen. C'est clairement dit. Amen. Seront séparés de tout cela. C'est exact. Car nous ne pourrons pas faire cela. Allez nous soumettre au dictat de l'écuménisme. Pour se recherche de plus en plus. Mais lorsque cet temps viendra, Hollanda, et que la pression arrivera à un point tel que vous serez différent, alors veillez. Prenez garde dans la chose que je vais vous dire dans quelques minutes. Observez alors le troisième pôle. Observez alors le troisième pôle. Lorsque la pression est écuménique, c'est aussi fort que vous serez dit. Faites attention, c'est la prophétie. Ici, c'est la parole prophétique. Observez alors le troisième pôle. Il n'aura qu'une signification. Aussi bien pour ceux qui sont totalement perdus que pour l'épouse et pour l'église. Quand ces paroles créatrices vont être prononcées par les gens loin du Saint-Esprit, à la fin du processus, à l'aboutissement de l'œuvre du ministère de Jésus, reproduite dans l'épouse de Christ, le troisième pôle n'aura qu'une signification. Aussi bien pour ceux qui sont totalement perdus que pour ceux qui sont sauvés de l'épouse et de l'église. Qu'est-ce que ça montre ici? Quand nous en arriverons à cette phase, plus personne n'expérimentera encore la nouvelle naissance. Plus personne dans l'église ne recevra encore le sceau de Dieu. Parce que la porte de l'église, totalement fermée. Ce sera le temps de la manifestation de Christ Jésus. Mais ceux qui ont déjà été scellés, et qui ont reçu la dernière portion promise, la dernière portion de puissance, attendue, elle viendra comme prévu. Parce que ce que nous avons reçu au commencement, ce sont les arts de l'esprit. Et la compte. Et la portion de la plénitude de Dieu. Pour boucler le travail. Mes chers amis. Parce que Dieu a un plan si merveilleux. Ne voulez-vous pas vous attacher à son message? Parce que nous ne connaissons pas quand est-ce que ça va se déclencher. Que le troisième pôle commence dans l'épouse. Vous ne savez pas les jours ni l'heure. Vous comme les jours de l'enlèvement, vous ne savez pas. Qu'attendez-vous? Ayez déjà les sceaux du Saint-Esprit. Maintenant. Parce que lorsque vous verrez déjà, nous commençons à prononcer les choses secrètes. Comme il s'était créé des secrets, vous le ministère de Fabrenat, sachez qu'à ce moment-là, c'est trop tard pour recevoir le baptême du Saint. Il n'y aura plus moyen. Peut-être quelqu'un pourra avoir des choses comme ça dans l'église. En tout cas maintenant, Seigneur, oh Dieu, rappelez-moi. Il peut plus la porte est déjà prise. Le nombre des élus sera déjà complet. La dernière âme élue aura déjà été scellée. Pour que cela se manifeste. C'est ainsi qu'en attendant ce moment, Dieu peut occasionnellement produire certains miracles qui ont une connotation, un rapprochement avec le troisième pôle. Vous voyez, ça ne peut pas être en bon temps. Ça ne peut être temporairement. Mais la plénitude il y a un temps court qui est prévu. Il y a un temps court qui est prévu. Avant notre départ. Avant l'enlèvement. Qui dit amen? Qui aime le message? Qui veut persévérer dans le programme de Dieu? Ce n'est pas. Il y a des choses qui viennent. Et quand cette pression que me dit qu'il y a là, même si toutes les églises organisées, vous venez de Gabaon. Dieu s'élèvera comme dans la vallée de Gabaon. Le Dieu qui a pour chercher. Laissez le ministre là-bas. Il a terminé les Jébusiens. Il n'y a même Dieu fera au rendez-vous. Il combattra pour l'église. Que Dieu bénisse cet évangile dans le cœur croyant. Lève-nous pour la prière. Kolwa koyang, alleluia. Kolwa koyang, alleluia. Kolwa koyang, alleluia. Alleluia, alleluia. Okoponga tangwa koya, okoponga tangwa koya, sake oponge akosaya, alleluia, alleluia, maga. Alléluia, Maranatha, alléluia, Maranatha, alléluia, alléluia, alléluia, Jésus revient. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Oh, oh, alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? C'était prêt, il te prendra. Amen, alléluia, amen. Maranatha, amen. Maranatha, amen. Maranatha, alléluia, amen. Alléluia. Prions chacun maintenant. Enlève de mon cœur toute incrédulité, répétez. Aie pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, oh, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi. Jésus, fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi. Jésus, oh l'agneau, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi. Jésus, toi l'agneau, lève de mon cœur Tout incrédulité, aie pitié de moi. Chaud de frère de Dieu. Par un rédempteur, enlève de mon cœur. Tout incrédulité, aie pitié de moi. Mon Jésus, fils de Dieu, enlève de mon cœur. Tout incrédulité, aie pitié de moi, yeah. Mon sauveur, rêve de mon cœur. Tout incrédulité, aie pitié de moi, yeah. Fils de Dieu, enlève, rêve de mon cœur. Tout incrédulité, aie pitié de moi, yeah. Yeah, la même, rêve de mon cœur. Oh, tout incrédulité, aie pitié de moi, mon Jésus, fils de Dieu, enlève de mon cœur. Tout incrédulité, aie pitié de moi. Jésus, fils de Dieu, enlève de mon cœur. Tout incrédulité, aie pitié de moi. Enlève de mon cœur. Tout incrédulité. Enlève l'iniquité, l'incrédulité, le péché, la rébellion, la froideur, la tiédeur, là où dit que le maître, l'état d'urgence dans son âme. Vous cherchez déjà le Saint-Esprit. Faut pas attendre dans le vide. Vous serez surpris. Dès que les fils de Dieu commenceront à prononcer les paroles créatives, il sera trop tard pour chercher les sceaux de Dieu. Dieu ne pourra plus les donner à ceux de l'église ici. Porte totalement ferme. N'attends pas ce moment-là. Dieu te donne quand même beaucoup de temps pour écouter l'évangile, pour te répentir, pour mourir à toi-même, et puis naître de nouveau, et puis recevoir les sceaux de Dieu, son l'approbation de ta foi, que Dieu te reconnaisse comme croyant, comme il avait reconnu Abraham, frère. Dieu tout-puissant, nous te remercions pour ceci. Ce moment est important pour nous. Nous de méditer et rentrer à nous-mêmes. C'est vrai que tu fais tout selon un plan. Il n'y a pas de hasard ni d'improvisation. Tu as préparé la première venue de Christ. Et le caractère qu'il aurait. À travers les prophètes qui se sont succédés. Et quand il est venu sur terre, il a reproduit exactement ce qu'il fallait. Et tout était tellement parfait que tu l'as frappé et humilié. Là à Golgotha, pour le salut de nos âmes. Et la sainteté qui était son seul domaine. Et la vie éternelle qui n'était qu'à lui seul. Et parvenu jusqu'à nous. Que ton nom soit béni. Ton nom dans lequel nous nous réfugions. Maintenant tu as suscité une église depuis les âges du début, depuis la Pentecôte, et tu as dit que elle est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre cette église. Nous avons entendu ce soir que toi tu combattras encore pour elle. Tu l'as déjà fait dans le passé. Si elle s'était affaiblie, tu as cassé le truc complètement. C'est toi Dieu qui avait permis. Parce que tu avais le plan de restauration. Nous vivons maintenant le plan de restauration. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous tout ce que nous avons perdu. Jusqu'à compléter la portion de puissance qui est promise pour la fin de la finale. Avant le départ, nous vous êtes ce qui n'est plus nous ne voulons pas rater une étape. Nous avons été connectés correctement. Tranche l'âme de chacun. Que nous soyons plus vigilants et veillés. Exauce les prières de chacun. Et conduis-nous dans les moments de sortie. Sois notre sécurité éternelle. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir. Kukubanda.